332e chapitre. Les Indiens reparaissent. Le quartier d'ours était cuit. « À table, messieurs !» cria Fabien. Francis étendit une toile sur le sol, sortit d'une boîte des fourchettes et des assiettes de métal, et le repas commença. Totao avait tenu à se lever pour manger, et ce fut avec un réel appétit qu'il dévora le morceau d'ours qu'on lui avait servi. « Hein, c'est bon cela !» dit Fabien. « Ça vaut mieux que de la volaille. Quand tu te seras collé ce bon beefsteak sur l'estomac, tu verras que tu iras mieux. C'est dommage que nous n'ayons pas une bonne bouteille de vin à boire pour arroser ce repas. Mais enfin, il ne faut pas se plaindre. Nous devons même nous estimer heureux. Tantôt, nous étions assaillis par les Indiens qui voulaient nous mettre à mort. Plus tard, nous rencontrions un ours qui s'apprêtait à nous dévorer. » Nous avons échappé aux Indiens et nous mangeons l'ours. Que pouvons-nous demander de plus? J'ai même envie d'aller chercher encore un quartier de viande. Nous la conserverons à bord et nous aurons ainsi un nouveau repas sur la planche. » Et Fabien, se levant aussitôt, se dirigea, son couteau à la main, vers l'endroit où gisait le corps de l'ours. Bientôt, le Parisien revenait en courant. « Qu'y a-t-il, Fabien ? » demanda l'ingénieur. « Tenez, patron, regardez là-bas, un peu sur la droite. »« Un Indien ?»« Oui, un gredin de peau rouge qui s'apprête sans doute à nous attaquer. » On apercevait en effet un cavalier indien accourant dans la plaine. « Si je dégringolais cet oiseau-là, » dit Fabien, « ça lui apprendrait à venir ainsi troubler notre repas. Vous verrez qu'il sera cause que nous ne prendrons pas notre café. » Tout à coup, un cri prolongé, semblable à celui d'un animal, frappa les oreilles des aviateurs. « C'est un signal !» dit M. Voirin. « Allons, vite, embarquons !» Francis avait pris Totao dans ses bras et le plaçait dans l'aéroplane. M. Voirin et Fabien enjambèrent le bordage, mais au moment de mettre le moteur en marche, Grondard s'aperçut que le carburateur ne fonctionnait pas. « Bon !» s'écria-t-il. « Voilà bien notre chance. »« Une panne ?» interrogea Fabien. « Non, je ne crois pas. C'est l'essence qui vient mal dans le carburateur. En un rien de temps, j'aurais tout remis en état. » Le contremaître se trompait. Il perdit 5 minutes, puis 10, et finalement fut obligé de déclarer « Ah, fatalité, va, il faut que je démonte ce maudit carburateur. » Les Indiens approchaient. « Nous allons être obligés de canarder ces oiseaux-là, » dit Fabien. « Attendons, » répondit l'ingénieur. « Tant que ces gens ne nous attaqueront pas, il sera inutile de tirer. » « Oui, vous avez raison. D'ailleurs, je crois que ces gaillards-là sont braves quand ils se trouvent en présence d'un enfant. Mais dès qu'ils aperçoivent un ours ou un homme avec un fusil, ils se sauvent comme des lapins. » Les Indiens demeuraient prudemment à distance. La vue de l'aéro les terrifiait. « Je crois, » dit Fabien, « qu'ils sont un peu surpris de voir notre aéroplane. »« En effet, » fit l'ingénieur. « Je pense que nous aurons tout le temps de réparer avant qu'ils ne se décident à nous attaquer. »« C'est plus que probable. Cependant, surveillons-les bien. On ne peut jamais savoir. » L'Indien est l'être le plus énigmatique et le plus mystérieux qui se puisse voir. Grondard se hâtait autant qu'il le pouvait, mais on l'entendait répéter à chaque seconde « Bon, encore une réparation. Oh, malheur de malheur, on dirait que tout s'en mêle. »